Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, troisième volet de notre série documentaire sur le 11 septembre 2001, l'après 11 septembre. Lorsqu'il inaugure les tours jumelles du World Trade Center en 1973, Minoru Yamasaki, l'architecte qui les a conçues, les présente comme un symbole de paix. Leur destruction équivaut donc à une déclaration de guerre pour l'Amérique. Selon les notes prises par l'un des proches collaborateurs de George Bush, président des États-Unis au moment des faits, l'après-midi des attentats, le secrétaire d'État américain à la Défense de l'époque, Donald Rumsfeld, aurait déclaré « Nous devons agir vite, avoir des cibles à court terme, être dominants, tout balayer, les choses liées aux attentats et celles qui ne le sont pas. » Très vite, la guerre contre le terrorisme, d'abord soutenue par une communauté internationale solidaire, va devenir le prétexte à tous les excès et à la justification de la politique interventionniste des États-Unis. Et tant pis s'il faut en passer par les mensonges politiques, la violation du droit et la création de nouveaux monstres terroristes. Dans cette guerre, l'Amérique va donc se fourvoyer. Et le monde ne sera plus comme avant. Un monde devenu obsessionnellement sécuritaire aux dépens de ce que les démocraties ont de plus précieux, les libertés. Notre invité aujourd'hui, Sylvain Sipel, ancien rédacteur en chef au journal Le Monde et correspondant à New York de 2007 à 2013. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et l'hebdomadaire Le 1 pour cette série sur le 11 septembre. Récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. From NBC News, this is Today with Katie Couric and Matt Lauer. Good morning. Bonjour. Un magnifique mardi a tourné à la tragédie quand le vol 11 d'American Airlines s'est écrasé sur la tour nord du World Trade Center. Et ce n'était que le début. Ce matin, moins de 24 heures plus tard, le cœur du commerce, le symbole de la skyline de New York n'est plus. Le centre névralgique de l'armée américaine a été délibérément et vicieusement attaqué, laissant la nation et le reste du monde abasourdis aujourd'hui, mercredi 12 septembre 2001. Ce mercredi 12 septembre, New York se réveille dans un état de stupeur indicible. En réalité, rares sont les New-Yorkais qui ont pu fermer l'œil. Depuis la veille, les écrans de télé diffusent en boucle les images sidérantes des tours du World Trade Center réduites à néant. Les secours continuent sans relâche de chercher des survivants dans les décombres encore fumants. Un calme étrange s'est installé dans les rues de Manhattan. Une longue file ordonnée s'est formée devant les urgences de l'hôpital Saint-Vincent, les plus proches du lieu de l'attentat. On vient y chercher, dans l'angoisse, des nouvelles d'une sœur, d'une mère, d'un mari porté disparu, souvent une photo à la main. Une jeune femme effondrée s'accroche à l'espoir de retrouver la trace de son compagnon, chef cuisinier au luxueux restaurant panoramique Windows of the World, situé au 107e étage de la tour nord. On ne le trouve pas du tout sur la liste. J'attends juste de voir s'il est ici. Vous savez s'il est allé travailler hier matin ? Oui, il y est allé. Il m'a appelé à 9h pile et il m'a dit qu'il m'aimait. Et c'est tout, il a raccroché. Il y avait eu une explosion. Il savait déjà que quelque chose s'était passé. Oui, il m'a juste dit « ça va, ne t'inquiète pas, je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime. » Et il a raccroché. J'espère qu'il est ici, on a deux jeunes enfants. Pour le président américain George Bush, le temps de la sidération est révolu. Place à l'action. Les attaques perpétrées la veille contre l'Amérique n'étaient pas que des actes de terreur, selon lui, mais des actes de guerre. Pour ce président, dont la dimension intellectuelle n'est pas la marque de fabrique, on propose, car il faut proposer, selon lui, une pensée des plus manichéennes. La réponse des États-Unis, la sienne, sera une lutte du bien contre le mal. Et ce combat contre l'ennemi sarrasin, cette nouvelle croisade, George Bush ne compte pas la mener seul. Alors, en ce matin du 12 septembre, Il décroche son téléphone et appelle plusieurs dirigeants étrangers, parmi lesquels les plus importants, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Vladimir Poutine ou encore le président chinois Jiang. L'ambition est claire, former une coalition internationale contre le terrorisme et envoyer un message fort. Les États-Unis et les pays épris de liberté, comme eux, vont faire front. De son côté, l'OTAN, pour la première fois de son histoire, invoque l'article 5 de sa charte, celui de la défense collective. S'il est établi que l'attaque contre les États-Unis était dirigée depuis l'étranger, elle sera considérée comme dirigée contre tous les alliés de Washington. L'OTAN est dans son rôle. Le même jour, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence. En un temps record, le droit international est modifié. Alors qu'il ne reconnaissait jusque-là que les États, le vote d'une nouvelle résolution introduit la possibilité d'agir contre des groupes terroristes internationaux. Désormais, l'attaque contre tout pays par un groupe de ce genre sera tenue pour acte de guerre. Et le pays attaqué aura le droit de se défendre contre les États qui ont offert hospitalité, entraînement et financement aux groupes terroristes. À partir de ce moment-là, le verre est dans le fruit. L'Afghanistan va vite s'en apercevoir, puis ce sera au tour de l'Irak. En 2001, il se trouve que c'est la France qui assume la présidence tournante du Conseil de sécurité. Jean-David Levitt, alors représentant français auprès des Nations Unies, a dû prendre très vite cette décision historique. Et il se souvient, bien sûr, de ce moment décisif. On September 12, le 12 septembre, at 10 o'clock, we were à 10h, at the Security Council room, nous étions dans une salle du Conseil de sécurité pour discuter du texte. The 15 members were in agreement. So, au bout d'une heure, les 15 membres sont tombés d'accord. Donc j'ai proposé que tous les membres du Conseil de sécurité approuvent le texte, non pas en levant la main, mais en se levant pour rendre hommage aux victimes du 11 septembre. La résolution 1368 votée ce jour-là appelle aussi tous les États à travailler ensemble, de toute urgence, pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires des attaques. Et souligne que ceux qui le soutiennent devront rendre des comptes. Bien, mais qui sont-ils, ces auteurs, organisateurs et commanditaires des attentats? Dans les minutes qui ont suivi l'impact, l'opération Pennebaum a été déclenchée, nom de code pour la plus importante enquête jamais menée par le FBI. 7000 agents sont mobilisés. En 24 heures, l'administration américaine réunit les preuves de l'implication du groupe terroriste Al-Qaïda et de son chef Oussama Ben Laden, depuis longtemps dans le collimateur des États-Unis, hébergé par l'Afghanistan des talibans. Au lendemain des attaques, en l'absence de revendications, ni la Maison-Blanche, ni les services secrets américains n'évoquent officiellement le nom du Saoudien. Mais d'autres se montrent moins précautionneux. L'influent sénateur républicain Orrin Hatch, membre de la commission de renseignement du Sénat, explique aux journalistes d'ABC News que pour la CIA, il tient l'info de l'agence elle-même, tout désigne Ben Laden. La piste islamiste fait donc très vite le tour des médias. Et le 13 septembre, Colin Powell, alors secrétaire d'État, est obligé de confirmer que Ben Laden est bien tout en haut de la liste de suspects de l'administration Bush. Effectivement, et même prononcer son nom semble lui écorcher la bouche. Il n'y a pas de doute sur le fait que Oussama Ben Laden est le premier suspect, n'est-ce pas? Je pense que lorsque vous regardez cette région et que vous examinez les types d'organisations terroristes qui existent et qui ont la sophistication nécessaire pour mener à bien une telle série d'attaques, vous devez certainement identifier Oussama Ben Laden et son organisation comme un des suspects. Le 14 septembre marque une date clé dans la riposte des États-Unis. Ce jour-là, c'est cette fois le Congrès américain qui autorise George Bush à recourir, je le cite, à toute la force nécessaire et appropriée contre les nations, organisations ou personnes impliquées dans les attentats. C'est un véritable blanc-seing pour son administration. Alors, l'état d'urgence est décrété et 50 000 réservistes sont rappelés. Dans les jours qui suivent, la pression ne cesse de monter contre Oussama Ben Laden et le régime des talibans. Le président américain multiplie les menaces et les déclarations martiales. Il n'hésite pas à puiser dans l'imaginaire de la justice expéditive du Far West, affirmant qu'il veut Ben Laden « dead or alive », mort ou vif. Un shérif aîné, très Texas, son état. Le lendemain, le Conseil de sécurité de l'ONU réclame l'extradition immédiate et inconditionnelle du terroriste Ben Laden. C'est finalement le soir du 21 septembre, devant un congrès au grand complet, complètement acquis à sa cause, et même en présence de Tony Blair, que George Bush adresse un ultime avertissement au régime de Kaboul. Lui, qui n'est pourtant pas connu pour ses qualités d'orateur, est applaudi à tout rompre. The President of the United States. Ce soir, nous exigeons des talibans qu'ils nous livrent immédiatement les chefs d'Al-Qaïda cachés dans leur pays. Ces demandes ne sont pas ouvertes à la négociation ou à la discussion. Les talibans doivent agir et agir immédiatement. Ils livreront les terroristes ou bien ils partageront leur sort. Bush exige également l'accès des Américains au camp d'entraînement d'Al-Qaïda et la libération de tous les étrangers injustement emprisonnés en Afghanistan. Ce soir-là, sans annoncer aucune opération ni aucun calendrier, le président américain demande aux militaires de se tenir prêts et exhorte une nouvelle fois les dirigeants du monde entier à choisir leur camp dans cette guerre contre le terrorisme qui se prépare. Toujours dans la logique de sa pensée sans méandre nuance, il lance « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. » La réponse définitive des talibans tombe dans les heures qui suivent. Et sans surprise, c'est non. Pas question de livrer Osama Ben Laden sans que les USA ne produisent d'abord des preuves solides de sa culpabilité. Les talibans cherchent en fait à gagner du temps. Les chefs religieux réunis à Kaboul demandent à Ben Laden de quitter le pays de son plein gré. Mais rien ne semble plus pouvoir empêcher la guerre. Une guerre, George Bush a prévenu depuis son pupitre du Congrès, qui sera de longue haleine et sans précédent. This is CNN. 7 octobre 2001, 13h44, Atlanta. Sur le plateau de CNN, on devise sur la lutte contre le terrorisme, comme tous les jours depuis 5 semaines. Et le programme est soudainement interrompu. La chaîne américaine relaie alors en direct les images de la télévision du Qatar, Al Jazeera, seul média étranger présent à Kaboul. 4 très violentes explosions viennent d'être entendues dans la capitale afghane. Sur les images, des missiles traversent l'écran, illuminant la nuit kaboulie. L'opération Liberté Immuable, menée par les États-Unis à la tête d'une coalition internationale d'une 40aine de pays, vient donc d'être lancée avec l'aval de l'ONU. Les forces américaines et britanniques ont donné le signal de départ à une série de frappes. Elles visent des bases terroristes et des installations militaires du régime des talibans. Les forces américaines et britanniques ont lancé une offensive conjointe sur 3 villes, Kaboul, la capitale, Kandahar et Jalalabad. L'attaque principale aurait été lancée par l'armada stationnée dans l'océan Indien et d'abord sur cette forteresse filmée il y a quelques mois seulement. Un document exceptionnel qui montre cette véritable base militaire fortifiée où régulièrement séjournait Osama Ben Laden, gendre par son 4e mariage de Mollah Omar. Selon un tout récent communiqué de l'entourage du chef des talibans, ni Mollah Omar ni Osama Ben Laden n'ont été touchés. Les États-Unis et leurs alliés ignorent où est le chef terroriste. Ironie suprême, c'est au moment où ils larguent leur premier missile sur l'Afghanistan que Ben Laden choisit de faire sa première apparition publique depuis les attentats, et lui aussi sur Al Jazeera. En effet, le correspondant de la chaîne à Kaboul est en train de faire état de la situation sur place quand, après un instant de confusion en plateau, une vidéo est lancée. Osama Ben Laden y apparaît, vêtu d'un treillis militaire devant ce qui semble être un flanc de montagne. Entouré de 3 de ses lieutenants, dont le porte-parole est le responsable militaire d'Al-Qaïda, le Saoudien prend la parole pour se réjouir des attentats du 11 septembre. Dieu a fait subir à l'Amérique une mort voulue par ses victimes. Dieu a ainsi détruit ses constructions les plus géantes, qu'il en soit loué. Et voici l'Amérique rempli de terreur du nord au sud, de l'est à l'ouest, grâce à Dieu. Ben Laden promet ensuite aux États-Unis qu'ils ne connaîtront plus jamais la sécurité avant que la Palestine ne la connaisse. Mais de quand date cet enregistrement? Difficile de le savoir. Après le 11 septembre, c'est sûr. La chaîne Al Jazeera, elle, affirme l'avoir diffusé très rapidement dès sa réception. Quoi qu'il en soit, le ton est donné, cette guerre sera aussi une guerre des images. Fabrice Drouel. Pour les Américains et leurs alliés, la guerre en Afghanistan commence par une victoire militaire éclair. En cinq semaines, Kaboul tombe aux mains de l'Alliance du Nord, un mouvement islamiste de la minorité Tadji, opposé aux talibans et soutenu par la coalition. Le 7 décembre, deux mois jour pour jour après le début des frappes aériennes, c'est Kandahar, dernier bastion des talibans, qui chute. Des combats ont lieu au même moment à Tora Bora, une région montagneuse de l'est du pays, une forteresse souterraine composée de dizaines de cavernes reliées par des tunnels. Beaucoup de combattants d'Al-Qaïda s'y sont réfugiés, y compris Ben Laden. Les services secrets américains le savent. Alors, la zone est noyée pendant des jours sous un tapis de bombes. Al-Qaïda accuse de nombreuses pertes dans ses rangs. Mais les effectifs américains ne sont pas assez importants pour encercler le massif montagneux. Et Oussama Ben Laden, peut-être aidé par les services secrets pakistanais, se volatilise. L'ennemi public numéro un de l'Amérique court toujours. Mais le renversement des talibans, qui pour beaucoup ont fui au Pakistan, et l'établissement d'un gouvernement de transition en Afghanistan, s'accompagne de l'arrestation de nombreux musulmans soupçonnés d'être des terroristes. Pour Washington, c'est un premier succès. Fin 2001, les États-Unis détiennent plus de 200 talibans ou membres d'Al-Qaïda. L'administration Bush les considère non pas comme des prisonniers de guerre, mais comme des combattants illégaux. elle décide de transférer une partie de ses prisonniers loin, très loin des montagnes afghanes, à presque 13 000 km de là, à Cuba. Plus précisément à Guantanamo, un camp militaire américain de haute sécurité situé à l'extrême sud-est de l'île. Le 11 janvier 2002, un premier avion en provenance de Kandahar y atterrit. Et on voit une vingtaine de détenus en descendre, habillés en orange, escortés par des soldats. Le sol qu'ils foulent du pied n'est pas américain. Il jouit du statut d'extraterritorialité. Ici, le droit américain en matière de détention n'a pas cours. Aucun cas n'y est fait de la Convention de Genève, qui protège, rappelons-le, les prisonniers de guerre. Donc tout y est mépris du droit, cruauté et arbitraire. Mourad Benchelali est français. En 2001, il a 19 ans. Avant les attentats, il part en Afghanistan par goût de l'aventure, entraîné par son frère. Pour l'été, pense-t-il. Mais il se retrouve dans un camp d'entraînement djihadiste. Pas vraiment une ambiance de vacances. Se sentant pris au piège, il tente de regagner la France. Impossible. Et entre-temps, les tours jumelles se sont effondrées. La guerre a éclaté. Capturé au Pakistan, il est livré aux Américains et transféré à Guantanamo. Ici, t'es qu'un numéro, tu n'as pas de droit, pas de loi, on fait ce qu'on veut. Mais avec la CIA, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'eux utilisent ce qu'ils ont appelé d'ailleurs des techniques d'interrogatoire musclées ou coercitives. Par exemple, la privation de sommeil. On est transféré d'une cellule à l'autre, par exemple, toutes les demi-heures. Forcément, c'est impossible de dormir. Donc au bout d'une semaine, quand on est bien épuisé, on passe à l'interrogatoire. Le fait d'être menotté aussi dans des positions douloureuses, des humiliations sexuelles, qu'en fait on est en train de payer l'atrocité que d'autres ont fait. Le cas de Mourad Benchelali est loin d'être une exception à Guantanamo. C'est même plutôt la règle. Souvent, aucune charge n'est retenue contre ceux qui finissent derrière ces hauts barbelés. Impossible de savoir pourquoi ils ont été arrêtés. La majorité n'a même pas été capturée par les forces américaines d'ailleurs, mais leur a été vendue. Lawrence Wilkerson, l'ancien bras droit du secrétaire d'État Colin Powell, fera ce terrible aveu en 2010. La plupart des détenus de Guantanamo, au lieu de dangereux combattants illégaux, étaient en fait des innocents. Et l'administration Bush, Dick Cheney et Donald Rumsfeld en tête, le savent pertinemment. Rumsfeld, par exemple, a lui-même approuvé les techniques d'interrogatoire violentes dans le camp. La victime la plus emblématique de cette zone de non-droit reste à ce jour Mohamedou Oulsalahi. Déféré à Guantanamo en août 2002, il n'a pris aucune part aux attentats du 11 septembre. Il y perdra pourtant 14 ans et 2 mois de sa vie. Khalid Sheikh Mohamed, cerveau présumé des attentats, considéré comme un prisonnier de très haute valeur, lui, sera transféré à Guantanamo en 2006. Avant cela, il aura subi 183 fois la technique du waterboarding, qui consiste à infliger un simulacre de noyade dans des prisons secrètes de la CIA. Des prisons, encore une fois, délocalisées à l'étranger, hors du cadre légal, et où la torture est la norme. La guerre contre la terreur mène donc vite les États-Unis à des excès, des violations du droit. En matière militaire, mais aussi sur le champ de la loi. Le 25 octobre 2001 a été votée en effet la mesure emblématique de l'après 11 septembre, le Patriot Act. Une mesure qui étend le pouvoir des agences gouvernementales américaines dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit en matière de surveillance ou de procédure judiciaire. Cette loi historique est adoptée dans l'urgence, sans grand débat ni vraie opposition. Russ Feingold est le seul sénateur sursaut à voter non au Patriot Act qu'il juge liberticide, comme il l'explique au Sénat le jour du vote. Bien sûr, il ne fait aucun doute que si nous vivions dans un État policier, il serait plus facile d'attraper les terroristes. Si nous vivions dans un pays permettant à la police de fouiller votre domicile à tout moment et pour n'importe quelle raison, si nous vivions dans un pays permettant au gouvernement d'ouvrir votre courrier, d'écouter vos conversations téléphoniques ou d'intercepter vos communications par courrier électronique, si nous vivions dans un pays permettant au gouvernement de détenir indéfiniment des personnes en prison sur la base de ce qu'elles écrivent ou pensent, ou sur la base d'un simple soupçon qu'elles préparent un mauvais coup, alors le gouvernement découvrirait et arrêterait sans aucun doute davantage de terroristes. Mais ce ne serait probablement pas un pays dans lequel nous voudrions vivre. Tout est dit. Et là est peut-être la vraie victoire des terroristes. Avoir réussi à détourner la démocratie de sa plus grande mission, de ce qui fait sa raison de vivre et son honneur, le respect des libertés. Ce que le Patriot Act vient contredire de façon extrêmement grave. Mais pour Bush et ses faucons, le traumatisme des attentats justifie tout. Et d'un revers de la main, les néoconservateurs rejettent toutes les critiques. Et notamment Donald Mumsfeld, le secrétaire d'État à la Défense. La guerre contre le terrorisme a fait de lui un héros aux États-Unis, une véritable rockstar même, comme le qualifie le spécialiste de médias du Washington Post, pour exprimer la fascination que ce monsieur exerce sur le public américain. Son influence à la Maison-Blanche s'est considérablement renforcée au point de reléguer Colin Powell dans l'ombre. À Washington, la logique militaire a supplanté la logique politique. Et une nouvelle petite musique commence à monter. Les États-Unis se sont trouvés un nouvel ennemi dans cette guerre totale contre le terrorisme, qui est en fait un vieil ennemi, l'Irak de Saddam Hussein. Motif, le pays détiendrait des armes de destruction massive. Et puis, les Américains au pouvoir veulent croire que le lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda est établi depuis longtemps. À tel point qu'au fil des mois, le sujet irakien tourne à l'obsession. Les déclarations hostiles à l'encontre du régime de Saddam Hussein s'enchaînent. Le 29 janvier 2002, George Bush l'assure, l'Irak fait partie de ces états voyous qui menacent la paix dans le monde, ceux du l'axe du mal, une expression qui entérine la vision manichéenne du monde de Bush et consorts, dont Dick Cheney, le vice-président, qui entreprend peu à peu une tournée diplomatique où il prépare les esprits à la guerre. Comme lors de cette allocution du 29 août 2002. Beaucoup ont suggéré que le problème peut être réglé simplement en renvoyant les inspecteurs en Irak. Mais nous devons nous rappeler que les inspections ne sont pas une fin en soi. L'objectif doit être le désarmement pour obliger l'Irak à se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour dire les choses simplement, il n'y a aucun doute que Saddam Hussein possède maintenant des armes de destruction massive. Il n'y a aucun doute qu'il les amasse pour les utiliser contre nos amis, contre nos alliés et contre nous. Les risques de l'inaction sont bien plus grands que les risques de l'action. Le 17 septembre 2002, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale, faucon parmi les faucons, modifie radicalement le fondement de la politique étrangère américaine. Les piliers de la diplomatie, l'endiguement et la dissuasion sont abandonnés au profit d'une nouvelle notion antinomique du droit international, la guerre préventive. Désormais, c'est l'expression en vogue aux États-Unis, l'autodéfense anticipatrice. En réalité, les véritables motivations de ces postures va-t-en-guerre révèlent plus de l'attaque que de la défense. Les néoconservateurs qui murmurent à l'oreille de George Bush ont un rêve, celui d'un grand Moyen-Orient, un espace dans lequel les USA parachuteraient la démocratie si besoin par la force. Et bien sûr, les peuples ainsi libérés se rangeraient sous la bannière américaine, dans la gratitude et l'allégresse, comme l'imagine la concentration de cerveaux simples qui peuple le bureau ovale. Le but inavoué derrière le projet guerrier en Irak est de reprendre pied dans un pays stratégique du point de vue énergétique et de peser sur le devenir politique de la région. En somme, finir le travail commencé en 91 avec la guerre du Golfe par George Bush, père. Le 11 septembre donne donc un prétexte à la Maison-Blanche pour réaliser ce grand dessein. Bush et son administration n'en démordent pas et ils n'ont de cesse de tordre les faits pour vendre au public et à leurs alliés la nécessité d'une intervention rapide en Irak. Depuis des mois, ils disent détenir les preuves de la dangerosité de Saddam Hussein. Des preuves qui restent introuvables pour les inspecteurs de l'ONU envoyés sur place. Le point culminant de ce jeu de poker menteur est atteint le 5 février 2003. C'est peu dire que l'intervention de Colin Powell devant le Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue ce jour-là. Je ne peux pas vous révéler tout ce que nous savons, mais ce que je peux partager avec vous, ajouté à tout ce que nous avons appris au fil des ans, est profondément troublant. Ce que vous allez voir est une accumulation de faits qui révèle un comportement dérangeant de l'Irak et qui prouve que Saddam Hussein et son régime n'ont fait aucun effort pour se désarmer comme le demandait la communauté internationale. Pendant une heure et demie, le secrétaire d'État s'emploie à mettre sur la table les soi-disant preuves dont il dispose. Il présente notamment des conversations interceptées par la CIA entre des officiers irakiens complotant pour cacher des stocks de gaz inervants avant la visite des inspecteurs ou encore des photos satellites. Il montre du doigt des sites où, selon lui, les Irakiens mettent au point des armes chimiques. Il brandit une fiole d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Et puis, affirme-t-il, Saddam Hussein serait tout près d'obtenir l'arme atomique. Comme ça, c'est complet. Mais alors, pourquoi les inspecteurs en désarmement n'ont-ils encore rien trouvé ? Eh bien, parce que le régime de Bagdad, dissimulateur, se serait équipé de sites de production mobiles. Chacune des déclarations que je fais aujourd'hui s'appuie sur des sources solides, jure Colin Powell. En fait, les sources en question se révéleront bidons. Et Powell, le militaire diplomate, probablement le plus sage de la bande, regrettera amèrement sa prise de parole. Une tâche dans sa carrière, reconnaîtra-t-il quelques années plus tard. Sous la pression des États-Unis, l'Europe se divise. La Grande-Bretagne de Tony Blair, l'Italie de Silvio Berlusconi ou l'Espagne de Aznar se rangent derrière eux. Mais la France de Jacques Chirac et l'Allemagne de Gerhard Schröder refusent de les suivre dans la guerre. Pour les deux pays qualifiés non sans mépris de vieux pays par Donald Rumsfeld, rien ne justifie l'usage de la force qui, de surcroît, serait lourd de conséquences, tant humainement que pour la stabilité internationale. Le 14 février, soit 9 jours après Colin Powell, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères pour la France, prend la parole devant le Conseil de sécurité dans un discours qui fera date. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Tant pis pour ceux qu'ils considèrent désormais comme des traîtres. Cette guerre, les États-Unis la feront. Et ils la feront sans l'aval des Nations Unies. Le 20 mars 2003, Washington lance donc l'opération Liberté pour l'Irak et envahit le pays. L'armée américaine rencontre peu de résistance et progresse rapidement vers la capitale, Bagdad, qui tombe le 12 avril. Le régime de Saddam Hussein est balayé, sa plus haute statue déboulonnée devant les caméras du monde entier. Au 1er mai 2003, l'opération américaine est officiellement déclarée terminée dans une mise en scène grandiose digne d'un blockbuster. Ce jour-là, George Bush débarque sur le pont du porte-avions USS Lincoln en tenue de pilote de chasse. Derrière lui, une bannière aux couleurs des États-Unis proclame « Mission accomplie ». Cet accès d'autocongratulation sera largement moqué. Alors que les attentats du 11 septembre avaient provoqué une vague de solidarité avec les Américains, 2 ans plus tard, la cote des États-Unis est au plus bas. La compassion a fait place à la crainte que leur interventionnisme soit un prétexte à l'extension de leur hégémonie et que leurs actions n'aggravent les problèmes du monde. Des craintes justifiées, puisque les conflits engagés s'enlisent. L'Irak est plongé durablement dans le chaos et au retrait définitif des troupes en 2011, les soldats américains laisseront derrière eux un pays en proie à la violence, une friche sur laquelle pousseront les mauvaises herbes Daesh en tête. En Afghanistan, le bilan n'est pas plus glorieux. 20 ans après le début de la guerre, le 15 août dernier, les talibans ont repris le contrôle du pays. Tout ça pour ça. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry. Thank you. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, l'après 11 septembre 2001, dont nous allons parler avec notre invité Sylvain Sipel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio, ancien rédacteur en chef au journal Le Monde et surtout correspondant à New York de 2007 à 2013, au moment où démarre un procès qui va durer 9 mois, celui des attentats de Paris en 2015. Est-ce que vous diriez, vous, et ça a été le réflexe de beaucoup de gens d'ailleurs, que nous avons vécu notre 11 septembre ce jour-là? Oui, d'une certaine manière, oui. On peut comparer les deux, oui, effectivement. C'est-à-dire la dimension du crime est similaire. Le nombre des morts est inférieur en France, des choses comme ça. Mais enfin, c'est pas ça qui compte. Les attaques simultanées, surtout. Les attaques simultanées, absolument, absolument. Autre question d'actualité, avant que nous revenions sur les faits racontés à l'instant. Quant au mois d'août, alors vous qui avez suivi l'après 11 septembre de près, puisque vous étiez à New York de 2007 à 2013, quand vous avez vu le retour des talibans le 15 août dernier, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? La boucle est bouclée. C'est-à-dire que ce que toute une série de personnes ont su et compris très très vite, c'est-à-dire que l'idéologie de la guerre au terrorisme est une idéologie qui ne mène à rien. Parce que l'idée d'un complot terroriste mondial contre la liberté et la démocratie est en soi une absurdité. Et en fait, le terroriste, c'est celui qu'on désigne comme étant un terroriste. Chacun, si vous voulez, quand vous êtes américain, alors Al-Qaïda c'est terroriste, mais le PKK par exemple, je prends cet exemple, il pourrait en prendre 50 autres, mais le PKK turc est allié en Syrie dans la guerre contre Bachar el-Assad. Mais le PKK turc est considéré comme le pire des terroristes par Erdogan, qui est le président turc. Si vous voulez, comme les résistants français étaient appelés terroristes par les nazis. Donc, si vous voulez, la notion d'un terrorisme uniforme mondial est une notion idéologique. Ça n'est pas une notion qui correspond à une réalité. Et donc, ceux qui comprenaient ça ont compris que, à la fois, les États-Unis, s'ils restaient longtemps en Afghanistan. Parce que il faut se rappeler que l'intervention en Afghanistan n'a pas suscité un tollé. Non, c'est vrai. Ni international, ni local. Bon, le démantèlement des camps d'Al-Qaïda a été perçu comme légitime. En revanche... Alors, je précise quand même, effectivement, que dans cette histoire, les Américains sont les agressés. Non, alors, c'est ça que je veux dire. Dès lors qu'ils pointent un agresseur, c'est ils paraissent légitimes. Oui, voilà, ils sont dans une forme de légitimité. Bien sûr. Si vous voulez. Et donc, à partir de là... En revanche, ce qu'on pouvait savoir, c'est que si les Américains restent sur la durée, ça sera une catastrophe. Ouais. Comme ça l'a été pour tous les occupants, quels qu'ils soient. Et quand les Américains vont se lancer dans l'affaire irakienne, c'est-à-dire dans une guerre au sol en Irak, il n'était pas compliqué de savoir que tout cela mènerait à un échec effroyable. Je reconnais que moi-même, par exemple, qui pensais que c'était une absurdité de se lancer dans cette guerre, je fais une parenthèse. Il faut comprendre quel est le sens de cette guerre. Les Américains... L'Irak, oui. Oui, l'Irak. Les Américains ne font pas seulement la guerre pour des intérêts proches. Ils font la guerre dont, en tout cas, les néoconservateurs, ceux qu'on a appelés les néoconservateurs, font une guerre parce qu'ils imaginent un grand Moyen-Orient qui serait soumis à leur desiderata, mais qui serait devenu démocratique tel que eux comprennent ce qu'est une démocratie, c'est-à-dire qui soutient les États-Unis. Mais au-delà de ça, Il y a un projet sur le long terme. Et le terrain du Moyen-Orient, c'est la première approche. Il y a c'est quoi le projet sur le long terme ? Le projet sur le long terme, il est simple. Il y a un think tank qui va s'appeler, un think tank néoconservateur, qui va s'appeler le nouveau siècle américain. Le 21e siècle sera un siècle américain. Oui, il ne sera pas. On va mettre en place les éléments constitutifs pour faire en sorte que personne ne puisse contester ni confronter la domination américaine. C'est ça l'objectif final. Oui. C'est ça l'idéologie. Et pour cela, on va commencer à démontrer notre puissance au Moyen-Orient. Et ça tourne à la catastrophe totale. Et est-ce qu'il y a aussi le sentiment, la volonté de la part de cette administration qui est quand même dirigée par un certain George Bush de finir le travail que le père n'a pas fini? Est-ce que c'est une obsession ça, ou est-ce que c'est finalement presque un épiphénomène par rapport aux objectifs que vous... Il y a des gens pour qui c'est un épiphénomène, oui, qui n'étaient pas du tout dans cet esprit-là. Mais des gens, il y a une alliance entre ceux qu'on appelle les néoconservateurs et Rumsfeld et Cheney, qui eux n'en sont pas, ne viennent pas de cette école, qui sont juste des nationalistes américains traditionnels. Ils sont ultra-nationalistes et ils croient en la puissance de l'imposition de la force. Et donc, j'ai lu récemment un article américain qui rappelait les propos d'un colonel américain en Irak, et qui disait, vous savez, si on impose la peur et qu'on a un peu de fric, ben les gens vont cesser de convaincre. Hein. Ouais. Bon, c'est ça l'idée. Alors, ceux-là, les cyniques, je pense qu'ils n'étaient pas forcément dans la revanche, pas tous. En revanche, quelqu'un comme Wolfowitz, par exemple, qui incarne le néoconservatisme, il est effectivement dans l'idée que le père Bush a raté une occasion en or. Effectivement, la guerre de 1980, des années 90, de 1990, aurait dû renverser Saddam. Et pourquoi d'ailleurs elle ne l'a pas renversé ? Parce que ça aurait contrevenu à sa mission officialisée par l'ONU. Ouais. L'ONU fixait que la guerre doit se mener pour faire retirer les forces irakiennes du Koweït que Saddam avait envahi. Mais pas au-delà de ça. Mais pas au-delà. Et ça veut dire, alors ça veut dire... Les États-Unis ne sont pas d'accord, autorisés à entrer au-delà du Koweït. Donc la grande différence entre la première guerre du Golfe et la seconde, c'est le positionnement des États-Unis par rapport à l'ONU, si j'ai bien compris. C'est surtout le positionnement de l'ONU par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne l'autorise pas à faire la guerre. Ouais. On ne l'autorise pas à faire la guerre en Irak. Au début, il s'imagine pouvoir contraindre l'ONU, à vrai dire. C'est-à-dire qu'il a s'il a une coalition suffisamment puissante avec suffisamment de grands pays, ça marchera. Mais dès lors que non seulement les Chinois et les Russes sont extrêmement hésitants, mais en plus, si des membres de l'OTAN, tels que l'Allemagne et la France s'y opposent, oui, bon, il n'aura pas de coalition. Donc il a une petite coalition et il n'a pas de majorité au Conseil de sécurité. Sylvain Sipel, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à discuter de cette question géopolitique passionnante et qui engage tellement l'avenir. On va écouter Émilie Loiseau, Renversée. Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner, est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire. Devant lui se tient un miroir, son reflet de bain. Tu ne sais plus dire si tu dors. Ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui... qui portent le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège, ton enfant qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Sylvain Sipel, l'autre dérive après l'Irak, et d'ailleurs c'est aussi en Irak, c'est la prison d'Abu Ghraib et les images qu'on a vues des Américains et leur façon de traiter les prisonniers. Ça a dû changer beaucoup de choses. Ah, vous savez, ça... Ce qui sort, c'est en avril 2004. Il y a beaucoup de bruit sur cette prison. C'est une prison à 30 km de Bagdad. C'était une des grandes prisons de Saddam Hussein, dont les Américains, on y a énormément torturé, oui, énormément tué sous Saddam Hussein, toutes sortes de gens. Les Américains prennent une partie de cette prison, en font une prison où ils mettent leurs terroristes. Un an après, alors il y a beaucoup de rumeurs, il y a une enquête de l'Associated Press qui en parle à un moment, au bout de 6 mois, les rumeurs sont pas très bonnes, mais un an plus tard, en avril 2004, le New Yorker, le grand reporter Seymour Hersh du New Yorker, sort une série de 3 articles absolument terrifiants, photos à l'appui, et ça sort sur toutes les télévisions, etc. On s'en souvient. Bon. C'est un tournant absolument... cardinal. Et Bush et l'administration ne parviendra pas à l'empêcher. Parce que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jusque-là, quelles que soient les rumeurs, tout de même, comme je disais précédemment, les Américains ont le bénéfice de celui qui a été agressé. Bien sûr. Ils sont à la fois la victime et ils interviennent comme justiciers. Quand on voit les images de ces amas de corps dénudés les uns sur les autres. Traîner comme des chiens avec une laisse. Oui. Quand on voit cet homme plongé dans une bassine d'excréments avec une banane dans l'anus, quand on voit ces images-là, plus personne ne peut penser qu'on est dans la lutte du bien contre le mal. Évidemment, évidemment. Il y a eu Guantanamo aussi qui déjà est inquiétant. Hein, les costumes oranges. Les... Absolument. Oula. Il y a eu Guantanamo. Oui. Mais là, ça va plus loin. À Guantanamo, il y a la torture. Là, il y a les images. Et il y a les images, pas seulement de la torture. Il y a les images d'un comportement d'humiliation. Ouais. Il s'agit de... À peu près, tout ce qu'on montre a une connotation à caractère sexuel. Ouais. Et la volonté claire, c'est celle d'humilier. On est vraiment une autre sorte de guerre. Hein. On est dans une autre guerre. Et à ce moment-là, si vous voulez... C'est là qu'est la bascule américaine. Mmh. Ça va prendre du temps. Quand Bush est réélu assez triomphalement en 2006, mais Barack Obama est également élu la même année. Ouais. Il est en 2004, excusez-moi, 2004. Je fais une erreur. En 2004. Oui, parce que puisqu'il était élu en 2000 puis en 2004. En 2004, Bush est magnifiquement réélu, tranquillement. En réalité, c'est une victoire à la Pyrrhus. Et c'est le fait qu'Obama rentre au Sénat qui montre le basculement américain. Parce qu'Obama, lui, a fait totalement campagne contre la guerre en Irak. Oui. Et le basculement américain, il date de là. Troisième dérive aussi liée à l'Irak. Peut-être, ce que j'appelais la friche, champ de friche, les mauvaises herbes qui poussent, Daesh. Est-ce qu'on peut dire que Daesh c'est compliqué. Est une, directement ou indirectement une création de cette guerre-là? En tout cas, cette guerre-là a obligatoirement joué un rôle dans l'émergence de Daesh. Dire que c'est cette guerre qui suscite Daesh, à mon avis, c'est insuffisant, si vous voulez. Mais en revanche, on ne peut pas déconnecter l'émergence de Daesh sans tenir compte du fait que Al-Qaïda n'existait pas en Irak avant l'intervention américaine. La présence d'Al-Qaïda, alors peut-être que comme ailleurs, à un moment ou à un autre, elle aurait émergé. Mais en tout cas, avant que les Américains n'entrent, il n'y avait pas de présence d'Al-Qaïda. La présence d'Al-Qaïda, elle est là 6 mois après. Alors, ce qui va se passer, c'est que Al-Qaïda échoue. Oui. Échoue globalement. Oui. Et donc, Daesh prend la place. C'est pas qu'ils prennent la place. Mais en réaction. En réaction. Al-Qaïda ne veut pas de califat. Daesh va vouloir un califat. Ce sera le dernier mot, Sylvain Sipel. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'est l'Affaire Sensible, aujourd'hui, l'après 11 septembre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Héloïse Rambert. Odule Conseil, Adrien Morat et Vincent Lebrun. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélien Labruyère. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combe.